les yeux. Je vois une tendre mélodie qui apaise mon cœur et le guérit. Dans tes bras, je sais que jamais je n'abandonnerai. Et ton doux sourire dissipant ma peine.